Je voudrais maintenant revenir au verbe pouvoir, potere. Comment diriez-vous, pourriez-vous me dire pourquoi, si vous voyez votre interlocuteur? Può dirmi perché? Può dirmi, c'est pouvez-vous me dire. Mais je vous ai demandé, pourriez-vous me dire pourquoi? Potete? Potete existe bien, mais ça correspond aussi à pouvez-vous. Sauf que cette fois-ci, vous adressez à voi, à plusieurs personnes. Ah, pourriez-vous? Oui. Potrebbe? C'est ça, potrebbe. Potrebbe. C'est bien, vous avez fini par trouver potrebbe en réfléchissant. Donc, notre phrase de départ était pourriez-vous me dire pourquoi? Potrebbe dirmi perché? Potrebbe dirmi perché? Tout à fait. Maintenant, vous allez dire il ne pouvait pas me le dire parce qu'il ne le savait pas. Non poteva. Oui, me le dire. Dirmelo. Oui, mais attention, on insiste sur la même syllabe qu'à l'infinitif. Quel est l'infinitif? Dire. Dire, en insistant sur le i. Et donc, me le dire va se prononcer comment? Dirmelo. Dirmelo, c'est ça. Reprenez depuis le début. Il ne pouvait pas me le dire. Non poteva dirmelo. Non poteva dirmelo parce qu'il ne le savait pas. Perché non sapeva. Il ne le savait pas. Non lo sapeva. Voilà. Non poteva dirmelo perché non lo sapeva. Il y a une autre construction avec potere qui est j'aurais pu. Par exemple, j'aurais pu vous le dire. Commençons par dire j'aurais, AIS, un conditionnel donc. Avrei. C'est ça, avrei. La phrase entière c'est j'aurais pu vous le dire avec le vous du vouvoiement. Allez-y. Avrei potuto. Dirle. Avrei potuto dirle, c'est j'aurais pu vous dire. Il manque le de j'aurais pu vous le dire. Comment dit-on ça, vous le dire? Glielo. Glielo. Oui, vous le. Comment est-ce que vous allez combiner ça avec le verbe pour avoir vous le dire? Où est-ce qu'on met les mots comme li? Et l'eau quand on a un infinitif. À la fin, dirglielo. Dirglielo. Oui. Avrei potuto dirglielo. J'aurais pu vous le dire. Comment diriez-vous? Il n'aurait pas pu le faire comme ça. Non avrebbe potuto farlo così. Non avrebbe potuto farlo così. Absolument. Vous voyez qu'en procédant par étapes, on arrive au résultat qu'on veut obtenir. Et voilà, maintenant, nous avons vu toutes les formes du verbe pouvoir. Potere.